Oui. C'est pas long, bitch, nos gardaves se prolongent vite. T'as même pas de preuve et tu voudrais que je tape de la zombie. Oui, c'est chaudard, c'est tensé. J'attends pas d'être par terre. Gros, c'est avec mon glaive que je ramène la paix. Mes ancêtres sont des esclaves. La plage de la crevette, c'est un blast que des colons portugais nous ont donné. Camer, fils de famille, bien métis et Biafra. Renoir, la sortie du scud a changé le climat. C'est le rap qui casse, mais pas de casting. Quand tu perds, tu craches, vite ton cache que dans la crabe. La monde doit grandir dans le cash, mais oui, ça risque. 93 Aubert la Courneuve, Stein, en passant par Saint-Denis. Pas de saint dans un nid de serpent, ni de fachos dans nos cercons. Nos armes on s'en sert quand un juge nous assermente. C'est vrai qu'on vit peu père, non. Tu cherches la guéguerre, non. Attends, deux minutes, c'est du temps d'air. Je ne m'invente pas de vie, je conçois pas la vie sans fric. C'est comme tomber dans le vide, chacun sa mère dans la bricole. Je veux pas finir sur le carreau, un pruneau dans les guiboles. Boy, t'as fait de la tôle, voulant toucher le pactole. Mais pas de bol, dans toutes les histoires ton blaze est sorti. Vie de star, que dans mes rêves, que des regards froids. Le tien carré sous tension depuis le travail de l'autre soir. C'est du pack in a days pour les anciens. Gros, ça vient du 93 à fond dans tes enceintes. Trempé jusqu'au cou dans tous les coups foireux. Les forces maléfiques quand on possède une arme à feu. Mauvais karma, ou c'est la rodka que t'avales pas. Mais demande aux scientifiques si les cadavres ne parlent pas. Wallen, tandem, quand même tu le connais là, quoi. Le rang de vrais soldats. Seul le crime paie, ouais, mais en monnaie qui te donne. Numéro des coups, la deuxième chance ne se contient pas. En ce moment, le soleil brille, va t'en sortir le bolide. Ça dépend des financiers de la flicaille qui nous poursuit. En mode près de mes sous, j'ai peur de m'essouffler. Je vais bouffer de l'argent jusqu'à m'étouffer. Mais négro, j'ai tout fait, pratiquement tout vu. Mais le système qui s'enraye, tragiquement, c'était pas prévu. Ne sois pas crédule, c'est le prélude de la colère, je présume. En deux, trois phrases, c'est bien comme ça que ma vie se résume. Ok, réveille-toi, veille sur les tiens. Rigole pas, y'a pas de Pharrell en featuring dans nos bitchiens. Rien d'official que des mecs fichés, de tête à pister. J'étais figé par le regard de cette juge qui m'a fusillé.